Mozaik. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque où nous allons parler contributions financières de la population pour les prochaines échéances électorales en 2020. L'annonce a été faite par le président de la République fin juin et il a été signifié que la contribution est volontaire. Les réactions des uns et des autres poussent à se poser un certain nombre d'interrogations. La contribution est-elle volontaire ou obligatoire, du moment même que le ministère de l'Intérieur a déjà proposé qu'il y ait un décret y relatif? Quelles peuvent être les conséquences pour ceux qui auront et ou n'auront pas contribué pour ces élections? Qui dit contribution de la population, dirait-il que le Burundi n'a rien besoin comme aide extérieure pour ce rendez-vous électoral? Quelle crédibilité si cela était le cas? Comment faire? Comment procéder pour que les prochaines élections soient crédibles pour tous les Burundais et devant la communauté internationale? En vue de tenter des réponses à ces interrogations, trois invités sont déjà avec nous sur le plateau. Terence Nahiraja, c'est l'assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs. Professeur Juvenal Ngorwanubusa, il est le président du parti MRC Rurenzangemero. Bonjour. Bonjour cher ami. Il y a également Olivier Nkurunziza, le secrétaire général du parti UPRONA. C'est en même temps le porte-parole de son parti. Bonjour et bienvenue. Bonjour, journaliste. Il y a également un quatrième invité que nous attendons incessamment. Il s'agit de l'honorable Pierre-Célestin Ndikumana, un député de l'Assemblée nationale et membre de la coalition Amizero Yabarundi. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi, Charles Makoto est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léonce Bitaliho. Encore une fois bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La première question, je l'adresse à vous, Terence Nahiraja, assistante du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Appeler la population à contribuer financièrement pour les élections, c'est en tout cas une première dans l'histoire du Burundi. Pourquoi ? Merci beaucoup de poser la question. Justement, comme vous le dites, depuis vers le mois de juin 2017, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé un appel à la population de contribuer pour les élections de 2020. Eh bien, si vous vous en souvenez, et ce n'est pas la première fois au Burundi, retournons un peu en arrière en 2015, il y a eu un tel appel et la population a contribué. Et comme vous l'avez su, les élections se sont très bien déroulées. Donc, ce n'est pas une première au Burundi, mais c'est plutôt une seconde. N'est-ce pas? Contribuer financièrement. Bien sûr, financièrement la population a contribué. Il y a le gouvernement qui a contribué. Il y a quelques amis du Burundi qui ont contribué. Il y a aussi certaines personnes en tant qu'individus qui ont contribué en 2015. Donc ce n'est pas une première, c'est une seconde. Mais cette fois-ci, la question est généralisée. Pourquoi? Et il faut que nous les Africains, nous évoluons, n'est-ce pas? Nous avons la tendance à tendre la main toujours vers les Blancs, vers les étrangers. Nous nous considérons comme État incapable de construire notre pays, État incapable de contribuer. Souvenez-vous, si je reviens un peu en arrière, dans le secteur des infrastructures sociales, et on pensait que pour construire une bonne école, une belle école, un établissement scolaire moderne, on attendait toujours les aides, vous en souvenez, qu'elles soient l'école primaire ou secondaire. Mais voilà, il y a plus de 10 années que le gouvernement a décidé à sensibiliser la population, afin de montrer à la population qu'elle-même est une force économique. C'est pour vous montrer comment contribuer, pourquoi pas, financièrement, mais aujourd'hui. Mais dans les élections, c'est la même chose. Ici, c'est une façon de changer les mentalités de la population burundaise. Oui. Non seulement de la population, mais de l'Afrique en général, parce qu'il faut que nous démontrions notre force. Presque dans le monde entier, il y a une réduction des aides et des appuis financiers. Raison pour laquelle même certaines ONG étrangères, même les agences des Nations Unies, ont réduit considérablement les financements qu'ils donnaient à certains pays dans lesquels ils travaillent. Alors, face à cette situation de la crise économique, il faut déjà que les Burundais commencent à apprendre, les choses à main et ne pas attendre toujours l'extérieur. Surtout que, ici chez nous, il y a certains Burundais, permettez-moi de le dire, qui n'ont pas encore compris la démocratie et qui pensent chaque fois de prendre le pouvoir par force. La population, il faut éviter tout cela. Il faut créer les bonnes conditions, qu'il y ait des aides étrangères ou pas. Il faut que le Burundi prenne armée les élections afin de les faire coûte que coûte. Merci. Est-ce que vous estimez que la population burundaise est justement capable de contribuer financièrement aux élections? Très capable, monsieur le journaliste. Et si je vous fais visiter les différentes provinces du pays et voir comment la population contribue pour construire les infrastructures communautaires. Je prends l'exemple de chez nous. Je suis natif de la province Makamba. Nous sommes en train de construire un building qui va avoir 200 bureaux. L'ambassadeur de Belgique est passé un jour là-bas pour voir comment la population le fait par force. On contribue, les ménages contribuent volontairement. Chacun de nous est capable. Bien sûr, il y a la décision du gouverneur de province, mais il faut d'abord une sensibilisation pour que tout le monde sente le besoin et l'importance. Nous avons environ 12 millions de personnes. En termes de ménage pour les spécialistes, parfois, on prend une moyenne de 5 personnes par ménage. Si vous estimez les ménages par rapport à environ 12 millions de la population, vous divisez par 5. Et si, par exemple, vous trouverez que même juste le minimum soit-il de contribution, ce sont des milliards et des milliards. On peut même faire plus que cela. Donc, la population burundaise en est capable. Le président de la République déclare que c'est volontaire. Est-ce que ça restera ainsi? D'abord, il faut avoir cette volonté de le faire. Il faut avoir son sens de patriotisme. Secondo, il y a la Constitution de la République qui considère cela comme un devoir. L'article 73 dit que tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale. Donc, c'est parmi les devoirs fondamentaux. C'est l'article 73 de la Constitution de la République du Burundi. Voilà. C'est presque la même question pour le président du parti MRC, Rulenza Ngemero, professeur Juvenal Ngorwanubusa. La contribution financière de la population pour les élections de 2020, est-ce que vous l'estimez volontaire? Je voudrais d'abord m'exprimer sur la forme, car souvent la forme cache un problème de fond. Le financement des élections est régi en République du Burundi par les lois et les règlements qui régissent notre pays. Et le financement des élections se fait sur fonds publics et est confié à l'autorité chargée d'administrer les élections. En l'occurrence, chez nous, je pense que c'est la CENI qui est devenue permanente et non pas sur un compte qui est créé de pied levé par une autorité. C'est une autorité publique. Une autorité publique, mais il y a dans toute organisation des gens qui sont chargés d'organiser les élections, en l'occurrence la CENI. C'est donc un compte que la CENI nous montrerait qui devrait accueillir tous ces financements. Deuxièmement, la décision a été prise et on a pensé aux modalités d'exécution après, alors que ça devait être l'inverse. Normalement, on aurait dû appeler les partis politiques, qui sont les premiers concernés par les élections. On aurait établi un budget par le ministère de l'Intérieur, mais aussi avec le ministère des Finances. Ce budget aurait été envoyé au Parlement, qui a le rôle de voter les budgets, et non que ce soit une décision qui est prise, et puis on cherche après les modalités. Malheureusement, au Burundi, nous sommes habitués à ce genre de démarche. On prend une décision, et puis c'est après qu'on pense comment les mettre en exécution, genre le cas de l'école fondamentale, où on décide et on cherche les modalités après. Comme si on agissait et qu'on réfléchissait après. Ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau du fond, si on avait appelé le parti MSC Renzangemero et qu'on lui avait posé la question, le parti MSC Renzangemero aurait dit « ce n'est pas le moment ». Ce n'est pas le moment parce que aujourd'hui la population est dans une situation économique exécrable. Il est saigné à blanc. Vous allez vous constituer un obstacle au financement? Non, je continue dans mon raisonnement puisque je vais aussi donner une proposition dans ce sens. Ce n'est pas à la population qu'il faut demander aujourd'hui encore un effort, comme si c'était un effort de guerre. De toute façon, la guerre n'est pas déclarée telle qu'on le dit aujourd'hui. Ce n'est pas la population qui souffre de la misère, qui n'arrive pas à se nourrir, se vêtir, se loger, envoyer son enfant à l'école. Ce n'est pas à cette population-là qu'il faut demander une contribution aujourd'hui. D'autant plus que, vous le rappeliez tout à l'heure, les élections existent au Burundi depuis les années 50, à l'époque coloniale belge. Je sais qu'il y a des gens qui hérissent quand on parle de la Belgique, mais on ne nous avait demandé aucun rôle pour organiser ces élections. que ce soit les années 50, 60, pendant que le pays est indépendant. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a dit tout à l'heure que c'est une deuxième fois. Et même cette deuxième fois, ça s'est passé dans un climat où les élections n'étaient pas en train de se passer dans de bonnes conditions. Raison pour laquelle d'ailleurs la communauté internationale avait refusé de les financer. Donc ça, c'est un cas à part qui est comparable à celui d'aujourd'hui. Ce n'est donc pas le moment aujourd'hui. Deuxièmement, au point de vue même de nos traditions burundaises, ce qu'on appelle contribuer, goûter, ça n'a jamais été obligatoire. On fait une contribution dans son âme et conscience et selon ses moyens. On peut même ne pas contribuer si on n'en a pas les moyens. L'exemple type en termes d'élection, c'est qu'au Burundi, par exemple, l'élection n'est pas obligatoire, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un droit, ce n'est pas un devoir. Dans des pays comme la Belgique où l'élection est obligatoire, on donne plutôt des avantages à l'électeur. Est-ce que ça a été ou c'est obligatoire l'élection aujourd'hui au Burundi? Chez nous, ce n'est pas obligatoire. C'est un droit, ce n'est pas une obligation. Donc, si on n'est pas obligé d'aller voter, à plus forte raison, je comprendrais qu'on ne rende pas obligatoire une contribution à ces élections. Alors, je vais vous donner, donc, si vous m'avez posé la question, ce que j'aurais donné comme proposition. J'aurais demandé au gouvernement d'approcher à nouveau la communauté internationale comme cela a toujours été fait. Parce que ce n'est pas seulement au Burundi, un peu partout en Afrique, la coopération internationale, la communauté internationale intervient dans les élections et dans leur surveillance. Et bien sûr que pour s'adresser à la communauté internationale, il faut d'abord prendre toutes les précautions pour qu'on soit éligible devant cette communauté internationale. La communauté internationale exige un certain nombre de principes démocratiques sur lesquels il faut se baser pour intervenir dans les élections, ce qui est en déficit chez nous. Là, on va y arriver peut-être. Patientons un peu et allons au parti UPRONA. Olivier Nkurunziza, vous êtes le porte-parole, secrétaire général du parti. Qu'est-ce que vous dites de cette contribution déjà déclarée par les institutions de la République, à partir d'en haut, le président de la République? Est-ce que la contribution est volontaire ou pas? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord effectivement intervenir sur la nécessité de contribuer. Au niveau du parti UPRONA, nous avons pensé à cela depuis 2015, au moment où nous avons vu que tout juste au moment des élections, il y a des bailleurs qui s'est retiré. Ni était le gouvernement qui a pris en main cette contribution, le fonds de mener les élections à bon port. Aujourd'hui, je pense que ça serait le chaos. Alors, au niveau du parti UPRONA, alors, même au niveau de l'évaluation des élections avec les membres de la CENI, on avait proposé effectivement que le gouvernement regarde la forme de voir comment, effectivement, soit le gouvernement doit penser à trouver une ligne budgétaire. Parce que c'est au gouvernement chaque fois de prendre les mesures adéquates, de chercher les moyens. Il y a des mesures politiques, mais aussi des mesures techniques et financières. Au niveau des techniques financières, alors, le gouvernement doit chercher une ligne budgétaire. Mais ce n'est pas empêcher au gouvernement aussi de sensibiliser la population, de contribuer aux élections volontairement. Ce que le parti UPRONA ne peut pas peut-être soutenir, c'est de forcer la population, de donner comme loi ou ordre à la population burundaise de contribuer. Sinon, mais au niveau du parti UPRONA, nous allons sensibiliser nos membres, effectivement, de contribuer aux élections parce que c'est très nécessaire. Vous voyez que chaque fois, les 5 ans, nous devons préparer les élections. Alors, ça sera très difficile au gouvernement responsable, chaque fois, de préparer les élections à partir des dons ou en attendant toujours au bailleur, alors que le rendez-vous est toujours connu. Alors, c'est au gouvernement de toujours de préparer les moyens politiques, financiers et techniques pour amener la population burundaise à une élection libre et transparente. Vous estimez que les UPRONistes, vos militants, vont contribuer à quelle échelle? L'échelle, c'est très difficile, mais au niveau du parti UPRONA, nous sommes conscients que nous allons demander à nos membres de contribuer une fois quand ils auront des moyens pour contribuer. Je pense que vraiment, c'est l'esprit patriotique au niveau. Mais ça ne sera pas une obligation de prendre par force à nos membres. Mais je pense, chaque fois même au coutume burundaise, vous savez, quand vous avez une fête et que vous demandez une contribution, vous donnez une invitation à une personne, vous contribuez volontairement. Je pense que même la population burundaise comprendra cela. Seulement, le gouvernement, il faut que le gouvernement prenne des mesures pour que cela ne soit pas une loi qui sera imposée à la population. Tant que ça ne soit pas une obligation. Ça ne sera pas une obligation. Je ne sais pas ce qu'en dit honorable Pierre-Célestin Likoumana, qui est déjà avec nous sur le plateau. Bonjour, honorable Pierre-Célestin. Bonjour et je m'excuse de ce retard. Je suis quand même dans le bain. Vous posez la question, je ne sais pas si vous m'avez posé la même question. C'est la même question au sein du parti UPRONA, dont Olivier Nkurunziza est porte-parole et secrétaire général. On dit que les UPRONistes sont prêts à contribuer financièrement pour ces élections de 2020. Mais je ne sais pas si alors c'est le cas pour la coalition Amizero Barundi que vous représentez ici. Mais de prime abord, vous avez posé la question de savoir si la contribution sera volontaire ou pas. Oui. Je vais d'abord commencer par ça, mais d'abord, même avant ça, mon ami ici vient de dire qu'il y a une nécessité de contribuer. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de contribuer? Est-ce que cette contribution est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Je me pose aussi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de recours ou d'autres solutions autres que cette contribution-là qu'on demande à la population burundaise? Parce que, et là, évidemment, si je parle de ça, c'est parce qu'il s'est posé un problème éventuel de manque de financement des élections. Et là, normalement, les questions des élections, les questions des commissions vérité, réconciliation, justice transitionnelle, etc., ça relève de la solidarité internationale. Et comme on dit, bon, il y a eu quelque chose qui croche, une panne au niveau des relations diplomatiques, on peut comprendre, mais là, c'est là où je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de recours? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens autres que ça? On peut aussi se poser la question par rapport à la mise en application. Ça peut être l'un des moyens. Oui. Par rapport à la mise en application alors de cette mesure ou de cette volonté de contribuer. Moi, je me dis ceci. La question normalement du financement des élections ne devrait pas être posée. Parce que la question des élections, ce n'est pas quelque chose qui vient comme catastrophe. C'est quelque chose qui est connu. J'ai appris que quelqu'un était en train d'évoquer la Constitution. La Constitution est claire. Et parler des élections au titre 4. Les élections viennent après le mandat. Après 5 ans, il y a des élections, c'est connu. C'est quelque chose qui est planifié d'avance. Et tout ce qui est planifié d'avance, ça devrait être planifié dans les budgets de l'État. Ce n'est pas une catastrophe qui arrive, un tremblement de terre, ou quelque chose qui arrive et puis on demande à la population de faire une solidarité nationale parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Non, c'est quelque chose de planifié, qui est planifié par la loi, qui est planifié par le principe même de la démocratie. En démocratie, on accède au pouvoir par les élections. Les institutions doivent être là, c'est connu et ça doit être planifié dans le budget de l'État. Uh-huh. Évidemment, la population contribue. Comment est-ce que la population contribue? La population donne des taxes. Les fonctionnaires, les commerçants, etc., ils paient des impôts. Et tout ce que la population fait comme paiement de taxes, paiement de redevances administratives, paiement d'impôts, c'est pour faire fonctionner les activités de l'État. C'est pour les activités de développement. C'est pour que le gouvernement fonctionne, c'est pour que l'État fonctionne. Et pour que ça fonctionne, les élections, bien évidemment, c'est une activité, je crois, qui devrait aussi être prise comme priorité. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, les institutions doivent être là. Nous sommes dans un principe démocratique. Alors, pourquoi songer à alourdir les charges de la population qui est déjà affamée, qui endure déjà une crise économique sans précédente, mais qui continue quand même à serrer ses ceintures pour donner ses taxes, pour donner ses impôts, etc. C'est là où moi je me pose la question. Et comme je l'ai dit, ce que le gouvernement, ce que l'État devrait faire, c'était de planifier ça. Et ils l'ont fait. Et je ne sais même pas pourquoi nous sommes ici pour discuter de la question. Parce que le gouvernement a pris en considération ce que je viens de vous dire. On a pris en considération ça parce qu'au niveau du budget, par exemple, budget 2017, il y a une ligne au niveau du tableau 8 du budget du fonctionnement et des investissements sur les ressources nationales. Précisément, rubrique 08 au point 2, on a prévu les provisions aux élections de 2020 avec un montant de plus de 6 milliards 200 millions. C'est d'ailleurs 7 milliards 200 millions, mais 1 milliard pour le fonctionnement de la CENI et 6 milliards 200 millions pour les provisions des élections 2020. C'est déjà fait, c'est déjà sur une ligne. C'est déjà sur une ligne budgétaire. Et j'ose croire que si cela a été le cas en 2017, ça sera le cas en 2018, ça sera le cas en 2019, mais aussi quelques mois aussi avant les élections de 2020. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que cette somme n'est pas suffisante? Est-ce qu'on a planifié par rapport à l'insuffisance, où on a planifié pour que justement on réponde aux besoins des élections de 2020? Je pense que tout planificateur qui se respecte aurait tenu compte des besoins réels des élections de 2020 et avant de faire entrer cette rubrique dans le budget de l'État. Comme c'est déjà dans le budget de l'État, je crois que les fonds seront suffisants. D'où, à mon sens, la non-nécessité de cette contribution au regard de la loi, au regard aussi de ce qui est déjà planifié au niveau du budget. Permettez que j'aille de nouveau au ministère de l'Intérieur, représenté ici sur le plateau par Terence Naïra Jallo, porte-parole et assistant du ministre. L'honorable Pierre Célestin évoque que la contribution financière de la population pour ces élections, ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans la loi, dans le budget. Pourquoi alors cette contribution? Merci beaucoup de poser la question. Il n'ignore que chaque fois quand il y a des élections, il y a d'abord le budget de l'État, mais il y avait aussi le budget qui provient des partenaires. Ça, il faut le savoir. Le seul budget du gouvernement, en général, ne suffit pas pour les élections. Cela a été toujours démontré depuis que l'on a fait des élections aussi au Burundi. Ce n'est pas seulement au Burundi, c'est d'ailleurs en général en Afrique, mais ailleurs, ils s'entraident mutuellement. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a d'abord la planification, comme vient de le dire l'honorable, c'est vrai, il y a une ligne budgétaire, il y en aura également en 2018, c'est l'objectif du gouvernement, mais j'aimerais vous informer même que dans 4 ans, ce budget était suffisant. Les élections sont très coûteuses en général, avec un budget extrêmement élevé, c'est la raison pour laquelle, au cas où il n'y aurait pas peut-être des appuis étrangers. Il ne faut pas qu'il y ait problème. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi donc le gouvernement a lancé cet appel et pressé à la population de contribuer, d'où la nécessité est là. Il ne faut pas toujours compter sur des budgets qu'on ne voit pas. C'est ça le problème de nous les Africains. Dire voilà, nous allons planifier comme nous le faisons chaque fois, mais les Blancs vont nous aider. Et si une fois, ils ne nous aident pas, n'y a-t-il pas y avoir des élections? Il faut prévenir. Donc, je pense qu'à mon avis, ce n'est pas parce que d'ailleurs c'est comme ça qu'il doit se faire. C'est une très bonne chose et ce n'est pas une violation de la loi et c'est nécessaire. Seulement dans votre introduction, vous avez parlé d'un décret qui a été proposé par le ministère. Je crois que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un texte de loi qui a été proposé par le ministère de l'Étude de la Promotion Patriotique au gouvernement pour justement définir les modalités pratiques de ces contributions. Le ministre de l'Intérieur de la Promotion Patriotique a déjà lancé une idée au cours de la réunion qui, en tout cas, il faut que tout le monde contribue. Oui. Et comme vous le savez, le ministre ou le ministère prépare un projet d'un texte si c'est nécessaire. Et à ce moment, il y a aussi même le conseil des ministres qui analyse, qui apprécie, qui corrige, qui fait ça. Je crois qu'il a déjà fait sa proposition et donc, au niveau réglementaire, si besoin il y a, au cas où ça sera nécessaire, c'est un projet qui pourrait être discuté par les membres du gouvernement et les autres partenaires, comme vous l'avez toujours dit. Sinon, jusqu'à maintenant, nous continuons à cette population comme quoi cette contribution est très nécessaire et qu'il est important de le faire comme nous invite à le faire la Constitution de la République. Tant que vous avez le micro, il y a des gens qui peuvent contribuer volontairement, oui, et nous savons qu'il y en a qui ont déjà commencé, surtout certaines autorités, mais d'autres peuvent sentir que c'est une obligation qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que vous en dites? Ce ne sont pas seulement les autorités, il y a même des individus qui continuent. Maintenant, si vous allez à la BRB pour vérifier, il y a un grand monde de personnes qui continuent à contribuer, chacun selon ses moyens. Est-ce que ce n'est pas un secret, vous pouvez nous dire la somme qu'il y a aujourd'hui? Je ne connais pas parce que je ne gère pas le compte. Il y a bien le président du MSD. MRC Lorenza Gemero, je m'excuse, le MSD n'existe plus. Donc, c'est-à-dire que il y a la CENI qui, en général, gère le budget des élections. Il a très bien dit que c'est la CENI qui devrait proposer le budget. Il proposera. Mais j'aimerais vous informer qu'il y a d'abord le budget que le gouvernement planifie chaque année, mais il y a également le grand budget d'ailleurs qui est donné par les partenaires, soit en monnaie ou en nature, vous l'avez toujours suivi. C'est pourquoi nous voudrions prévenir, parce que nous avons déjà réalisé qu'il y a certains étrangers qui veulent saboter la démocratie au Burundi. Professeur Juvenal Ngorwanubusa de MRC Rurenza Ngemero, qu'est-ce que vous dites de ceux-là qui pourraient sentir que c'est une obligation et qui peuvent être réticents à contribuer? Vous savez que c'est déjà obligatoire comme ça. Il suffit que l'autorité suprême verse une certaine somme à la BRB, le lendemain c'est le suivant, le surlendemain un ministre, et tout ce qui compte dans la nomenclature burundaise va sûrement contribuer. ce n'est pas nécessairement volontaire. C'est simplement pour mériter la position qu'on occupe à un moment donné. Les jours à venir, vous allez voir qu'on va dire, voilà, qui n'a pas contribué pour les élections n'aura pas droit à ceci ou à cela, un document ou un... C'est comme ça, malheureusement, qu'on fait. C'est de la coercition. Il ne faut pas s'imaginer sur le second que c'est volontaire. Parce que les 2 millions que le premier vice-président a donné, il n'y avait pas pensé quelques jours avant. Donc vous-même, vous allez contribuer malgré vous. Non, je ne veux pas contribuer malgré moi. Puisque j'ai... Patriote. C'est un devoir fondamental qui nous recommande la Cour de la République. Non, ce n'est pas un devoir. C'est un devoir. Les élections, c'est un droit. On n'est même pas obligé d'aller voter. À plus forte raison, on n'est pas obligé de financer ces élections-là. Mais les élections font partie du fonctionnement normal de toute démocratie. Je le dis exprès, puisque le Parti national zaïmélo est tout à fait d'accord avec le principe de l'élection. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, il suffit que quiconque n'ait pas exactement la même analyse. Je n'ai pas parlé d'IMRC, les Aguimero, je pense. Il y a certains et vous les connaissez, les putschistes de 2015. Non, il n'y a des putschistes, personne. Permettez-moi d'être clair. Ce n'est pas l'IMRC ou les Aguimero. Parlons contribution financière de la population. Parlons contribution financière, parce que même ces putschistes n'ont jamais été jugés. Ça n'a rien à voir avec le financement des élections, parce que vous glissez chaque fois des histoires de ceux qui ne veulent pas les élections. Tout le monde veut les élections au Burundi. Et si tout le monde les veut, personne n'a jamais dit que nous ne devrions pas nous entendre d'abord sur la date de ces élections, parce que le contentieux électoral de 2015 n'est pas encore terminé. Et maintenant, on est carrément en train de dire en 2020, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Deuxièmement, les élections, ce n'est pas seulement à la veille, ce n'est pas avant 2020. On dit souvent que ce n'est pas le jour de la battue qu'on forme son chien de chasse. Les élections se préparent tous les jours que Dieu crée. Par exemple, aujourd'hui, il faut absolument mettre en place les cartes d'identité non falsifiables. Ça va nous aider pour les élections. Et ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit le faire, sans devoir nous demander un impôt nouveau. Il va falloir qu'il y ait des listes fiables. Ça, vous devez le faire sans même demander un impôt nouveau. Parce que la grande question, c'est la nature juridique de ce nouvel impôt des élections qui n'existait pas et qui est introduite comme ça sans qu'il y ait eu consultation des partis politiques qui sont les premiers intéressés par les élections. Donc, c'est le gouvernement, à travers les budgets qu'il vote toutes les années, qui tient compte des impôts, des nombreux impôts et taxes que paie la population. C'est avec ça qu'on organise les élections. Mais on ne veut pas dire pour toute chose, pour payer les fonctionnaires, il faut la contribution de la population. Pour que tel service continue à fonctionner, il faut la contribution de la population. Pour le système éducatif, il faut la contribution de la population. Pour les élections, il faut la contribution de la population. Mais la contribution de la population, c'est dans ces impôts et taxes qu'ils donnent tous les jours. C'est une question de principe. Mais pour ceux qui peuvent ne pas contribuer, est-ce que vous craignez des conséquences? Je dis, s'il y a des fonctionnaires de l'État, il y a des simples citoyens qui peuvent ne pas contribuer, est-ce que vous craignez des conséquences? Les fonctionnaires de l'État, puisque vous en parlez, ils ont déjà payé un lourd tribut du fait de cette crise multiforme que nous traversons. Vous savez que ça fait 2 ans que les fonctionnaires de l'État ont vu leur salaire amputé d'au moins 6% parce qu'ils n'ont plus droit aux augmentations annuelles. Chaque mois qui passe, le fonctionnaire de l'État perd 6% de son salaire. Alors, ils ont déjà payé à leur tribu. Maintenant, on va leur demander de payer encore un impôt pour les élections. Ces fonctionnaires, ils ne sont contre aucun règlement, aucune loi s'ils ne payent pas cette contribution. Mais malheureusement, je crains qu'il y ait des représailles. Pour ceux qui ne vont pas contribuer. Pour ceux qui ne vont pas contribuer, comme ça se fait souvent. Combien de fois on dit, si tel ne participe pas à une réunion ou même il n'a pas droit d'avoir des documents à la commune. Combien de fois on exige que pour qu'on puisse avoir tel document, pour qu'on puisse aller chercher l'acte de mariage, il faut avoir contribué pour la construction d'une maison. Cette maison n'étant pas toujours publique, appartenant à un parti politique, il faut montrer qu'on a payé. Il faut montrer qu'on a été dans une telle réunion organisée par les structures d'un parti politique. Et les gens en souffrent tous les jours. Ils ne vous le disent pas, mais ils en souffrent. Alors, il y a des gens qui payent cette contribution justement pour garder le peu d'avantages qu'ils avaient au gouvernement et non pas par conviction. Au sein de l'UPRONA, M. Olivier Nkurunziza, est-ce que les UPRONistes, vous estimez qu'ils vont contribuer par conviction? Effectivement, au niveau du parti UPRONA, on s'est posé cette question. Cette question, chaque fois de savoir, comme nous savons que les élections, c'est vraiment la vie de tous les jours, après les 5 ans, on doit participer aux élections. Alors, quand tu penses qu'on doit participer aux élections, étant parti UPRONA à participer dans les élections depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui, ce que nous on doit comprendre, c'est que les élections doivent être vraiment la vie de la nation burundaise. Alors, de la part des préparatifs politiques que notre parti doit faire, on devrait penser effectivement à la contribution ou des élections au Burundi. Parce que moi, je me suis posé cette question, même au niveau des réunions, différentes réunions, nous voyons qu'à la veille des élections en 2015, on a risqué de ne pas faire les élections suite aux bailleurs qui n'ont pas financé les élections. Le gouvernement du Burundi, qui devrait préparer ces élections, devrait quand même faire l'attention, effectivement, en 2020. Alors, à partir de là, moi, au niveau du parti UPRONA, on a proposé chaque fois de prendre des mesures nécessaires. Non pas des mesures qui vont contraindre la population burundaise de contribuer par force. Ça sera un problème. Je suis très enchanté d'entendre l'honorable Célesté de nous dire qu'au niveau du budget, on a prévu, effectivement, une ligne budgétaire. Ça, c'est très important que le gouvernement pense à cela. Pour moi, ça serait très difficile de demander à la population burundaise de contribuer à 100% à ces élections. Ça sera l'irresponsabilité du gouvernement. Mais quand le gouvernement pense effectivement qu'il faut préparer les élections et qu'il demande la contribution volontaire, j'ajoute encore, la contribution volontaire, là, ça vous êtes preneur. Là, nous sommes preneurs. Mais par force, degré ou de force, ça sera une autre chose au niveau du parti. Prenant, on va analyser, on va vous donner la solution. Mais ce que je voudrais dire à propos de toujours de la contribution, au lieu que le gouvernement augmente les taxes et les impôts pour effectivement financer les élections, parce qu'à travers l'honorable et d'autres, on a dit que la population burundaise donne les taxes, donne les quoi. Pour moi, ça serait mieux de demander la contribution volontaire au lieu d'augmenter les taxes. Un mot à placer, honorable Pierre Célestin de la coalition Amis de la Barouille. D'abord, quand vous dites volontaire, ça m'échappe un peu parce que, comme les Français le disent, le souhait d'un chef est un ordre. Et à plus forte raison au Burundi, si le chef a déjà posé un geste, le reste, ils vont suivre. Tout à l'heure, le porte-parole du ministère venait de dire que le ministre aurait dit qu'il faudrait que tout le monde contribue. Alors, demain, vous allez voir que les fonctionnaires se verront amputer quelques sous sur leur salaire. Ça commence comme ça. Et sur leur compte. J'ai peur de ça. Et je dois le dire ici, je dois le signaler, je dois le souligner avant. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, pour le moment, ce n'est pas opportun de déranger cette population qui peine déjà, sauf fonctionnaires mal payés. Je dis bien mal payés parce que les prix ont grimpé, les prix ont augmenté, la vie est très chère maintenant, les salaires sont restés les mêmes, ça ne bouge pas d'un iota. Et le professeur venait de dire qu'on a amputé quelques sous par rapport aux frais d'encouragement annuel que le fonctionnaire recevait. Mais évidemment, on a fait aussi la politique d'harmonisation des salaires, mais ça n'a pas donné beaucoup d'avantages. Ça rentre dans ce sens, mais ça n'arrange pas beaucoup le fonctionnaire burundais, vu au regard du contexte socio-économique actuel qu'on endure. Il y parvient à peine de joindre les deux bouts du mois. C'est ce qu'on vit au quotidien. Alors maintenant, vous lui demandez de faire un effort supplémentaire. Je reste toujours crampé sur ma position. Ces impôts qui sont payés, ces taxes qui sont payées, c'est déjà suffisant pour que le gouvernement planifie cette activité qui est une activité comme tant d'autres, une activité en rapport avec le financement des élections. Et comme je voulais souligner, il y a une ligne budgétaire. Et j'ai posé la question, je n'ai pas encore eu de réponse, peut-être que Naira Japoula le dire. Il a dit qu'on a besoin d'énormes sommes, qu'on a besoin nécessairement que la communauté internationale puisse intervenir, que ce n'est plus possible, alors on va chercher auprès de la population. Non. Moi, je me dis, il ne faut pas que cette population-là, qui est déjà affamée, paie les pots cassé. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Moi, je me dis que ce forcing-là, je dis bien forcing parce que je peux vous faire un cas. J'ai appris qu'il y aurait une barrière qui est déjà érigée en bas de l'école fondamentale de Mutara à Kirundo. Pour pouvoir passer, il faut d'abord montrer le reçu qu'on a contribué. Contribué pour si cela, pour les élections, bien sûr. Si cela est vrai, est-ce qu'on aura vraiment à dire qu'il s'agit d'une contribution c'est volontaire ce que, c'est ce que vous avez à... Bon, c'est ce qu'on a appris. Bon, j'ai pas de preuves tangibles, mais je demande au représentant du ministère de vérifier. Ça commence déjà à se faire sentir. Pour moi, mais oui, il faut que vous ayez l'information. Ça commence déjà à se faire sentir sur le terrain. Je n'ai jamais une idée. Sur le terrain, si cela est ainsi, je pense que c'est quand même demandé de trop. Et il y a un autre aspect qu'on oublie et qu'on néglige. Comment est-ce que ces élections sont en train d'être préparées? Parce que le financement des élections, c'est pour moi quelque chose de très simple. Et comme je l'ai dit, on ne m'a pas encore répondu. Est-ce comment que la somme qui a été planifiée est insuffisante? 7 milliards par an. Est-ce que c'est vraiment insuffisant ou c'est suffisant? Qui aurait planifié ça? Certainement qu'il a pu analyser les besoins. Alors, je pense qu'il fallait plutôt centrer l'attention sur d'autres aspects de la préparation de ces élections. Sinon, par rapport au financement, ça se fait, c'est automatique. Dans ce sens que même il y a des activités qui peuvent, comme on demande au patriotisme, les gens peuvent, par exemple, faciliter les élections de façon volontaire. C'est une possibilité. Les urnes, il y en a. Je crois qu'on ne les a pas encore brûlées. On peut avoir des jeunes patriotes qui peuvent servir le jour du scrutin. C'est un exemple. Non, je vous donne des exemples parce qu'on fait appel à au patriotisme. On dirait qu'on a volé les voix. Ça, c'est cette élection cliquée. C'est ce qu'on dit. On chante souvent patriotisme, patriotisme. Il faut cultiver ce sens-là. Alors, cet autre aspect dont je parle, c'est la préparation des élections dans le sens aussi de ceux qui vont participer aux élections. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, Naira Jalossé, quand on aura toujours à se rencontrer, je lui dirai que l'espace politique est verrouillé. Si vous préparez des élections où les uns sont exclus d'avance, et je reviens justement à la question que vous m'avez posée, est-ce que vos militants vont contribuer? Je dirais, c'est très difficile contribuer au moment où ils ne voient même pas ces élections qui sont en train d'être préparées. Parce que les élections se préparent. Il y a trois phases d'élections. Il y a l'avant les élections. On ne pense qu'à l'argent plutôt qu'aussi aux participants à ces élections. Pour le moment, si par exemple, s'il advenait qu'on organise les élections aujourd'hui, c'est le seul parti au pouvoir qui irait aux élections. Isanganiro. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler contributions financières de la population pour les prochaines échéances électorales. Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit de Terence Naira Aja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur, professeur Juvenal Ngorwanubusa, le président du parti MRC Rulenzangemero, Pierre-Célestin Ndikumana, un député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Amizero ya Barundi, ainsi que Olivier Nkurunziza, le secrétaire général du parti UPRONA. C'est en même temps le porte-parole de ce parti. Rendons-nous encore une fois au ministère de l'Intérieur. Dirait-on que le Burundi n'a pas besoin de l'aide extérieure pour le rendez-vous électoral de 2020? Permettez-moi d'abord de réagir sur ces propos qui accusent le gouvernement, bien entendu. Si le président du MRC a dit qu'il existe encore une fois le contentieux électoral, c'est dommage. Alors que la justice burundaise a tranché, la justice de l'EAC a déjà tranché. Finalement, où est-ce que nous allons? Si on n'a pas encore compris les jugements qui ont été rendus par ces instances judiciaires, vraiment, on ne peut pas y revenir. Et puis, il dit que les responsables des partis politiques sont les premiers à être concernés par les élections, mais la population également. Si vous, les responsables, vous mettez ensemble, où est-ce que vous allez trouver les bois si la population ne répondait pas aux élections? C'est plutôt la population qui est la première à être concernée par les élections. Parce que au cas où il n'y a pas des élections, la personne qui commence à être touchée, c'est la population. Quant aux politiciens, ils ne prennent que l'avion après avoir déstabilisé les élections et partir, comme ça s'est montré en 2015. Et puis, il a osé dire que vraiment, pour qu'on soit servi à la commune ou ailleurs, on doit montrer un papier qui prouve qu'on a contribué à la conception d'une maison, même dans un parti politique. Non, ce n'est pas vrai. J'aimerais tranquilliser monsieur le président du parti, monsieur Nagamero, ceux qui vous ont donné rapport, en tout cas, ils se sont trompé. Eh bien, quant à Olivier Doliprona, il dit qu'on va demander à la population à contribuer à 100%. Tranquillisez-vous. Il y a la ligne budgétaire et je le savais bien. Le gouvernement a bien calculé. Mais je voulais toujours vous dire, dès le départ, toutes les élections qui ont eu lieu, on a constaté, malgré le budget de l'État, il y a eu toujours une contribution de la communauté internationale avec des sommes colossales. Alors, les aides restent nécessaires. Ils peuvent être obtenus ou pas, mais aussi. Comme ils nous ont fait en clair d'œil en 2015, à stopper leurs appuis extérieurs à la dernière seconde, il y avait bien sûr le budget de l'État. Il n'est pas question de laisser les choses comme ça. Il faut que nous, les Burundais, prenions les choses. Et que dira le budget de l'État est toujours là. Mais il n'est pas suffisant. Je voudrais répondre justement à la question que l'honorable avait posée. C'est un budget insuffisant, d'où il faut que la population appuie pour aider. Et pour le faire, si vous êtes comme ça, moi je vous dis que c'est un devoir de chacun de contribuer pour consolider la démocratie. Et c'est la constitution. C'est un devoir, c'est plus volontaire. C'est dans les devoirs les fondamentaux, ce n'est pas moi qui arrive. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au moment où la constitution est là. Est-ce que dans la loi des finances, on demande à la population de contribuer? Je posais tantôt la question. Aide extérieure pour ce rendez-vous électoral de 2020. Est-ce que le pays n'en a plus besoin? L'homme seul n'est rien. Quels sont les réseaux qui le poussent à coopérer avec les autres? C'est pourquoi d'ailleurs, le gouvernement a pris la prudence de demander à la population, au cas de cette nouvelle idée, pas sinon, elle est nécessaire. C'est pourquoi d'ailleurs, le Burundi a déjà ratifié certains textes internationaux de la coopération. C'est juste pour se compléter. On ne peut pas s'enfermer, mais il faut le faire tout en sachant qu'après tout, le Burundi est un pays indépendant et souverain. Et qu'au cas où il y aurait tel ou tel autre problème, il faut que le Burundi parvienne à s'alimenter toutes les pièges. L'indépendance ne peut pas être un obstacle à la coopération internationale. Voilà. Parce que tous les pays sont indépendants, mais quand même, la coopération internationale demeure. C'est ce que je viens de dire. Je dirais que l'homme seul n'est rien. Donc, on ne peut pas s'enfermer. La coopération reste nécessaire. Donc, on doit coopérer. On doit s'entraider mutuellement, en se respectant, bien sûr. Et à sachant qu'avant tout, il faut qu'on s'organise. Pourquoi est-ce qu'il y a cette épargne? Toute petite question. Ouais. Estimez-vous que ces élections de 2020 seront crédibles aux yeux des Burundais en général et de la communauté internationale aussi, et avec ces contributions de la population? Chaque fois quand il y a élection, il y a certains responsables des partis politiques qui se lamentent. Comme quoi, ils ne peuvent pas envoyer leurs membres pour superviser parce qu'il n'y a pas d'argent. On ne leur donnait pas même de l'eau à boire. Si tout le monde contribuait et qu'on ait un budget suffisant, et que chaque parti politique qui est représenté sur un bureau de vote, la personne qui est là pourrait au moins avoir une bouteille d'eau juste parce qu'il passera toute la journée. N'est-ce pas que ça serait en tout cas une bonne occasion pour que chacun soit témoin de ce qui se passe, que ce soit au niveau d'icône. Bon, c'est un exemple, dis-moi. Alors, c'est pas un exemple que je réponds à votre question. Oui. Professeur Juvenal Ngorwanubusa, au sein du parti MRC Rurenzangemero, c'est la même question. Est-ce que, selon vous, l'aide extérieure pour le rendez-vous électoral, est-ce que le pays en a besoin? Il y a Terence Nairaja qui dit que l'homme seul n'en est pas un. Et puis, vous allez parler directement de la crédibilité de ces élections de 2020 avec ses contributions. Eh bien, je suis parfaitement d'accord avec M. Nairaja. L'homme seul n'est rien. Effectivement, moi, je ne me décourage pas du tout sur la possibilité encore que la communauté internationale puisse nous aider à financer ces élections. Parce que la grande question qui est occultée ici, c'est laquelle? C'est qu'on ne veut pas dire pourquoi la communauté internationale nous a mis en quarantaine. Les élections de 1993 ou de 2005 étaient plus difficiles à financer parce que les Burundais en avaient déjà perdu les habitudes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation moins difficile qu'à cette époque. Et pourtant, la communauté internationale nous a aidés à les organiser. Alors, nous ne sommes pas, sur les pays membres des Nations Unies, le seul pays qui est considéré comme un pestiféré que la communauté internationale ne veut pas aider. Il faut regarder de notre côté. Faire comme l'archer, c'est le modèle du sage. Quand il rate sa cible, il cherche les causes en lui-même. Cherchons les causes en nous-mêmes. Si la communauté internationale ne veut plus nous aider, c'est parce que nous sommes responsables de cette situation. Il y a eu cette gestion opaque des élections en 2015. Il y a eu ces élections qui ont été organisées sans que toutes les forces politiques puissent s'entendre, puissent dialoguer, qui ont fait qu'ils ont dit « voilà, nous ne pouvons pas soutenir un processus que nous ne considérons pas comme démocratique ». Que nous prenions conscience de cela et que nous changions de notre fusil d'épaule et qu'on organise les élections de manière acceptable par la communauté internationale, par tous nos partenaires. qui sont vraiment disposés à nous aider. Mais ils ne nous aideront pas tant que nous ne nous comportons pas de manière démocratique. L'exemple type, c'est déjà les conséquences que nous subissons du fait que nous ne sommes pas en règle avec, par exemple, l'acte de Cotonou. Deuxièmement, il y a un problème de transparence. On ouvre un compte à part. On dit « c'est pour les élections ». Même le porte-parole du ministère chargé pourtant des élections dit « je ne gère pas ce compte, je ne sais pas ce compte ». Comment va-t-on gérer ce compte qui n'est pas géré par la CNI ni par le ministère de l'Intérieur? En tout cas, le compte est géré. Le gouvernement qui est la BNB qui est géré par la CNI. De toute façon, ce n'est pas la CNI qui a donné le compte en banque. Mais enfin, ça c'est des explications après coup. Je suis convaincu que la communauté internationale peut toujours aider, mais c'est nous qui devons prendre les devants. C'est ce que je disais. Troisièmement, il ne faut pas mêler les choses. Le financement des élections n'a rien à voir avec le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques, c'est aussi un dossier qui est sur la table du gouvernement. Et le financement des partis politiques est prévu même par le financement des partis politiques par qui? Par le gouvernement. Le financement des partis politiques est inscrit dans la loi sur les partis politiques où on dit l'État peut financer les partis politiques. Est-ce que vous êtes financé par le gouvernement? Même dans la Constitution. Ouais. Ça, c'est autre chose. Le jour où on mettra les partis ensemble, on va dire voilà comment nous allons financer les partis politiques. Mais le financement des partis politiques, notamment pour que les partis politiques fassent eux-mêmes la formation patriotique et non pas une seule formation patriotique venue d'en haut, je ne sais d'où. Mais cela n'a rien à voir naturellement avec le financement des élections qui est du ressort de l'État en toute sa souveraineté. Est-ce que vous pourriez y aller directement en proposant des solutions pour que ces élections soient crédibles et pour tous les Burundais et pour la communauté internationale? Bon. Et là, je ferai le tour de la table. Il faut d'abord qu'il y ait un consensus sur l'organisation de ces élections. Les prochaines élections auront lieu, bien sûr. Au parti de Nzangemero, nous allons y répondre. Mais il y a quand même des préalables au niveau des formations politiques pour que nous puissions les organiser dans un cadre tout à fait crédible et cohérent. Moi, je parle des prochaines élections. Vous ne m'entendrez jamais dire les élections 2022. Pour moi, c'est le rendez-vous qui est prévu. Les prochaines élections. Les prochaines élections. Que ce soit 2020 ou plus tôt ou plus tard, c'est les prochaines élections. Et ça se prépare. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ça se prépare. Et pour que ça se prépare, il faut d'abord qu'il y ait un consensus au niveau des partis politiques, que ce consensus soit soutenu notamment par la région, dans le cadre du dialogue inclusif que nous demandons de tous nos voeux, et qu'on puisse lever un certain nombre d'obstacles qu'on a connus en 2015, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. C'est ça, il faut d'abord qu'il y ait dialogue entre tous les partenaires et un dialogue inclusif. C'est après ça que nous pourrons dire, voilà, nous sommes entendus sur un certain nombre d'éléments. Préparons ensemble les élections, voici comment on va chercher le financement de ces élections. Au sein du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza. Au niveau du parti UPRONA, nous souhaitons des élections libres et transparentes. Des élections qui sont vraiment bien préparées qu'en 2015. Bien sûr, on ne peut pas nier qu'en 2015, il y a eu quelque chose qui a accroché. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de préparer les élections qui sont plus meilleures qu'en 2015. Alors, pour préparer les élections, c'est de la part d'abord du gouvernement, mais aussi des partis politiques. Il faut que les partis politiques participent sur le terrain. On a dit qu'il y a un problème chez mes collègues d'Amizer de Warundi, qu'il y a un problème de rassembler les militants. Je connais qu'on a débattu sur cette question. C'est un problème de loi. Il est dans l'Assemblée, ça sera très mieux de voir comment on peut légiférer des lois qui sont un peu meilleures pour que tout le monde participe sur le terrain. Mais aussi, il faut qu'au niveau des partis politiques, nous préparons nos mandataires au bureau de vote pour que ces élections soient crédibles. Mais aussi au niveau des observateurs internationaux, comme vous le dites, au niveau du pays, on ne peut pas s'enfermer. On ne peut pas s'enfermer, il faut que tout le monde participe. Mais il ne faut pas qu'il y ait des aides conditionnées pour qu'on puisse se préparer des élections. Là, ça sera très difficile. Mais aussi le Burundi ne peut pas dire qu'on ne peut pas laisser les partenaires venir ici au Burundi pour contribuer aux élections. C'est la raison pour laquelle même nous demandons au gouvernement de continuer d'assainir maintenir les relations diplomatiques avec les autres pays pour que même en 2020 on puisse contribuer aux élections. Et j'ai aussi un constat. Au Kenya, les observateurs internationaux avaient affirmé que les élections étaient bonnes, mais au niveau du pays, on a contraigné ça. Il faut qu'au Burundi on se prépare toujours, que les nationaux aussi préparent. Ce ne sont pas des internationaux qui crédibilisent les élections. Ils ne sont pas des anges aussi. Hein. Oui, ça c'est vraiment une étude qu'on peut, une leçon qu'on peut tirer du Kenya. Ce ne sont pas les étrangers qui crédibilisent les élections, mais c'est les nationaux. Au niveau interne. Au niveau interne. Alors qu'au niveau interne, on se prépare d'abord, et les observateurs viendront, mais après avoir préparé le terrain, c'est au niveau national. Voilà, au niveau du parti Prona, nous souhaitons des élections qui seront très libres, transparentes, mais de 2020, dit les prochaines élections, pour Burundi, c'est mieux d'avoir un gouvernement bien élu au lieu de préférer un gouvernement de transition. Au niveau du parti Prona, ne souhaitons pas un gouvernement de transition. Faisons tout ce qui est possible pour préparer les élections en 2020, non pas en dehors de 2020. À n'importe quelle année. Non, mais en 2020. Ce sera les prochaines. C'est le même point de vue chez l'honorable Pierre-Célestin Ndikumana de la coalition Amizero Abarundi. D'abord, la question qui nous occupe ici par rapport au financement des élections, à mon sens, c'est une question, une petite question de forme. C'est là où je vais arriver. C'est une très petite question de forme qui ne devrait pas trop nous préoccuper. Je suis d'accord avec le professeur que la communauté internationale sera toujours prête pour soutenir le Burundi, à condition quand même que ce qui a fait que cette coopération, la flâne, soit enlevée. Alors, par rapport aux propositions, je crois qu'il faut se centrer aux questions de fond. Comme je l'ai dit, ce sont les conditions de préparation des élections qui favorisent les uns au détriment des autres. Il faut d'abord qu'il y ait des élections qui se préparent de façon raisonnable et non pas dans la discrimination. Ça, c'est la première condition. Et ça, c'est une question de fond, autre que ces petites questions d'argent qu'on peut avoir de n'importe où. La deuxième proposition, et qui devrait même être en parallèle avec la première, c'est assainir le climat politique, tout en barrant la route à l'intolérance politique dont nous sommes spécifiquement victimes, nous, de la coalition Misery Abarundi. Troisièmement, c'est le respect de ces droits de l'homme, et particulièrement le droit à la vie. Et par rapport à la coopération internationale, avec tout ça, ça va s'opérer de soi. Et par voie de conséquence, même ces financements des élections seront là, et même la crédibilité par rapport à ces élections, ça va commencer justement par cet assainissement du climat politique actuel qui est tendu. C'est tout, il ne faut pas chercher midi à 14h. Avec tout ça, les financements vont venir de soi. Donc vous, voilà, vous dites que vous n'exercez pas vos activités politiques. Mais bien évidemment, tout le monde est au courant. C'est un sujet qu'on a débattu de longtemps. Ou bien c'est un prétexte pour ne pas contribuer financièrement. Non, pas un prétexte, parce que je contribue financièrement. Je paie l'impôt, je paie les taxes. Il y a les prix qui ont augmenté. On a toujours Et là, toute la population paie. Nous avons parlé de paiement des taxes, des impôts, des redevances administratives, etc., etc. Tout ça, c'est pour préparer les activités de l'État. Parmi ces activités-là, les élections sont incluses. Et je vous ai dit qu'on a déjà planifié ça. Je ne comprends même pas pourquoi on se démène sur cette question. Et même la traçabilité de ces contributions, c'est pas clair. Un mot à placer. Monsieur Terence Nahiraja du ministère de l'Intérieur, des propositions. Oui, merci. Il faut que ces élections, en tout cas, soient crédibles. La première proposition. Aux yeux des Burundais, aux yeux de la communauté internationale. Effectivement, la première chose, c'est l'affaire des Burundais, n'est-ce pas? Il faut que tous les Burundais, politiciens ou pas, contribuent au processus électoral de 2020. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que les responsables des partis politiques et des politiques sont appelés à respecter le cadre légal régissant les partis politiques. Troisièmement, c'est que le gouvernement n'acceptera en aucun cas des aides conditionnées par l'imposition des antivaleurs, comme les homosexualités et beaucoup d'autres. Les Blancs se sont également chamaillés contre le code des fusils miniers burundais parce qu'ils veulent s'accaparer de nos richesses. Et le gouvernement dit non, ces aides pourraient rester. C'est pourquoi il y a un appel à la population de se préparer à l'avance, parce que des aides conditionnées ne seront en aucun cas acceptées, qui sont imposées par d'autres conditions qui déstabilisent et qui détruisent la société. Vous savez que ça fait déjà longtemps qu'ils ont commencé à imposer les homosexualités. Ils se sont chamaillés contre le code minier burundais. Ils veulent que le change ait l'avantage et on ne veut pas. Il faut que tout le monde le sache. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont coupé les aides. La question qui s'est posée, le professeur, ce sont les réseaux principaux, monsieur le professeur, qui ont fait qu'ils se chamaillent contre le gouvernement burundais. Et le gouvernement acceptera vraiment de mourir pour le peuple burundais au lieu de laisser que les gens viennent piller comme ils le veulent. Et enfin. Mais vous tranquillisez. réaliser que ces élections seront crédibles et transparentes. Exactement. C'est pourquoi nous voudrions que les conditions soient bien financées, que ce soit les participants, les partis politiques ou pas, il faut que tout le monde travaille, se prépare dans les conditions les meilleures. Mais ce ne sera pas obligatoire, ces contributions. Laissons la question être traitée par les instances qui sont concernées. Le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique a proposé que ce soit une décision, mais il y a déjà qui ont commencé à contribuer, chacun à sa volonté. Attendons les sorotas de toutes les façons. Les modalités pratiques seront très bien définies pour que tout le monde contribue. Et je demande au peuple burundais de le faire vraiment sans distinction. Okay. Merci. Merci, monsieur Terence Nahiraja. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur et assistant du ministre. Merci de votre contribution. Merci, monsieur le journaliste. Merci, chers auditeurs, pour les contributions que vous avez données. Professeur Juvenal Ngorwanubusa du parti MRC Rulenzangemero, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre contribution. Merci, Léonce. Merci, chers collègues. Nous disons également merci à Olivier Ngurunziza du parti UPRONA. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de ce parti, en même temps le secrétaire général. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci également à honorable Pierre-Célestin Dikoumana, député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Amizero Yabarundi. Merci de votre contribution. Je vous remercie aussi de l'invitation, tout en espérant que les conditions dont parle Nahiraja qui seront réunies ne seront pas contraignantes pour la population burundaise. Donc la contribution est un devoir pour tout Burundais. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la contribution de la population pour les prochaines élections de 2020. La mise en onde était assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi. Charles Makoto était à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léon Sebitaliho. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.